Mais le bon père jésuite était si en train qu'on lui eut fait tort de l'arrêter, de sorte qu'il poursuivit ainsi. « Enfin, dit-il, Sanchez, voyez un peu quels gens je vous cite. Sanchez fait plus, car il permet non seulement de recevoir, mais encore d'offrir le duel, en dirigeant bien son intention. Et notre Escobar le suit en cela au même lieu. En effet, l'honneur est plus cher que la vie. Or, on peut tuer pour défendre sa vie. Donc, on peut tuer pour défendre son honneur. Mais, mon père, après avoir si bien pourvu à l'honneur, n'avez-vous rien fait pour le bien? Je sais qu'il est de moindre considération, mais il n'importe. Il me semble qu'on peut bien diriger son intention à tuer pour le conserver. Oui, dit le père, et je vous en ai touché quelque chose qui vous a pu donner cette ouverture. Tous nos casuistes s'y accordent, et même on le permet. Encore que l'on ne craigne plus aucune violence de ceux qui nous ôtent notre bien, comme quand ils s'enfuient. Diazor de notre société le prouve, page 3, livre 2, chapitre 1. Ce qui a porté Escobar à établir cette règle générale, que régulièrement on peut tuer un homme pour la valeur d'un écu. Oh mon père, d'où Molina a-t-il pu être éclairé pour déterminer une chose de cette importance, sans aucun secours de l'écriture, des conciles, ni des pères? Je vois bien qu'il a des lumières bien particulières, et bien éloignées de saint Augustin sur l'homicide, aussi bien que sur la grâce. Me voici bien savant sur ce chapitre, et je connais parfaitement qu'il n'y a plus que les gens d'église qu'on puisse offenser, et pour l'honneur, et pour le bien, sans craindre qu'ils tuent ce qui les offense. Que voulez-vous dire ? Répliqua le père. Il est permis aux ecclésiastiques et aux religieux même de tuer pour défendre non seulement leur vie, mais aussi leur bien, ou celui de leur communauté. Et même, selon notre célèbre père Lamy, il est permis aux prêtres et aux religieux de prévenir ce qu'ils veulent noircir par des médisances, en les tuant pour les en empêcher. Mais c'est toujours en dirigeant bien l'intention. Comme il serait permis à un religieux de tuer celui qui lui voudrait ôter la vie, il lui est permis aussi de tuer celui qui lui veut ôter l'honneur ou celui de la communauté, de la même sorte qu'aux gens du monde. Je ne savais pas cela, lui dis-je, et j'avais cru simplement le contraire sans y faire de réflexion, sur ce que j'avais ouï dire que l'Église abhorre tellement le sang qu'elle ne permet pas seulement aux juges ecclésiastiques d'assister au jugement criminel. « Ne vous arrêtez pas à cela, dit-il. Notre père Lamy prouve fort bien cette doctrine, quoique, par un trait d'humilité bien séant à ce grand homme, il la soumette au lecteur prudent. Et Caramuel, notre illustre défenseur, qui la rapporte dans sa théologie fondamentale, page 543, la croit si certaine qu'il soutient que le contraire n'est pas probable, et il en tire des conclusions admirables, comme celle-ci, qu'il appelle la conclusion des conclusions, conclusionum conclusio, qu'un prêtre, non seulement peut, en certaines rencontres, tuer un calomniateur, mais encore qu'il y en a où il doit le faire. Etiam aliquando debet occidere. Il examine plusieurs questions nouvelles sur ce principe. Par exemple celle-ci. Savoir si les jésuites peuvent tuer les jansénistes. Voilà, mon père, s'écriai-je, un point de théologie bien surprenant. Et je tiens les jansénistes déjà morts par la doctrine du père Lamy. « Vous voilà bien attrapé, dit le père. Il conclut le contraire des mêmes principes. « Et comment cela, mon père ? Parce que, me dit-il, ils ne nuisent pas à notre réputation. » Voici ces mots. Les jansénistes appellent les jésuites pélagiens. Pourra-t-on les tuer pour cela ? Non, d'autant que les jansénistes n'obscurcissent non plus l'éclat de la société qu'un hibou, celui du soleil. Au contraire, ils l'ont relevé. Quoique contre leur intention. Occidi non possunt, quia nocere non potuerunt. Ils ne peuvent être tués, car ils n'ont pu nuire. Et quoi, mon père, la vie des jansénistes dépend donc seulement de savoir s'ils misent à votre réputation? Je les tiens un peu en sûreté, si cela est. Car s'il devient en soi peu probable qu'ils vous fassent tort, les voilà tuables sans difficulté. Vous en ferez un argument en forme, et il n'en faut pas davantage, avec une direction d'intention, pour expédier un homme en sûreté de conscience. Oh, qu'heureux sont les gens qui ne veulent pas souffrir des injures d'être instruits en cette doctrine, mais que malheureux sont ceux qui les offensent. En vérité, mon père, il vaudrait autant avoir affaire à des gens qui n'ont point de religion qu'à ceux qui en sont instruits jusqu'à cette direction, car enfin, l'intention de celui qui blesse ne soulage point celui qui est blessé. Il ne s'aperçoit point de cette direction secrète, et il ne sent que celle du coup qu'on lui porte. Et je ne sais même si on n'aurait pas moins de dépit de se voir tuer brutalement par des gens emportés que de se sentir poignardé consciencieusement par des gens dévots.